la salle et la terrasse. Lundi, arrivé en avance comme toujours. Ça permet de fumer une cigarette tranquillement. Faustine attend Monica devant la porte du restaurant. Le boulanger y a déjà déposé la commande de croissants et de ramequins au fromage. Le service de presse passe dans la foulée livrer les différents journaux. Monica arrive en courant, cheveux blonds en bataille. C'est une beauté rustique d'environ 25 ans, manifestement la star du restaurant. En quelques minutes, elle ouvre les portes et les volets, pose les croissants sur le comptoir, allume le four pour tiédir les ramequins. Ne reste plus qu'à remplacer les journaux de la veille par les nouveaux sur les portants. Le restaurant Hard étant traduit par serre, situé en bordure de forêt, paradis des promeneurs du dimanche et des routiers, est chaleureux, tout de bois vêtu. Les murs et les tables reluisent d'une belle patine, mise en valeur par un éclairage discret. Faustine n'imaginait pas un tel endroit, aux antipodes d'une cantine bétonnée, ayant comme seul atout un immense parking. L'innocente enfant ne sait pas encore que les routiers, pour sympas qu'ils soient, n'en sont pas moins exigeants. Mettez-vous à leur place. Ils passent leur vie sur l'asphalte. Ils ont les moyens de comparer. D'autant qu'ici, précisément, ils sont au carrefour de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. Premier travail de bienvenue pour Faustine, nettoyer les chiottes. Quel choc! Ils n'ont donc pas de femme de ménage dans cet établissement si luxueux? Non, répond Monica. Ici, nous faisons tout nous-mêmes. Mais ne t'inquiète pas. La plupart du temps, c'est la patronne qui s'occupe des vitres et des gros nettoyages. Et le patron qui passe la cireuse après la fermeture. Tout ce que nous avons à faire, nous les filles, une semaine sur deux, quand on est du matin, c'est éradiquer la poussière et donner un coup au WC. Alors ne te plains pas trop. Faustine ravale sa fierté et enfile les gants en caoutchouc. Les toilettes sont spacieuses et lumineuses, bien agencées et faciles à entretenir. Au boulot! Quand elle a fini, la jeune fille rejoint Monica devant la caisse enregistreuse. Tu verras, c'est facile. Tu tapes le prix de la boisson commandée, tu prends le ticket, tu le donnes à Rosa. Elle te la prépare. Tu la poses sur le plateau, tu sers le client. Cet été, en terrasse, tu encaisseras directement en servant le client. Sinon, il ira se perdre en forêt, en oubliant de te payer. Évidemment, au début, tu vérifieras systématiquement les tarifs. Mais ne t'inquiète pas, ça rentre vite. Si tu es sérieuse, tu pourras te faire dans les 2000 par mois, sans compter les événements spéciaux, mariage ou repas de boîte, pour lesquels on a besoin d'extra. Dans la foulée, Monica montre à Faustine le fonctionnement de la machine à café sur laquelle repose une bonne partie du chiffre d'affaires d'un restaurant. Ici, on sert la crème à café dans des petits godets en chocolat. Quand on te demande en décaféiné, tu poses le papier à l'envers dans la sous-tasse pour le différencier. On passe ensuite aux différents tiroirs situés sous le bar. Bouteilles de vin, eau minérale, jus de fruits. Les boissons fortes sont contre le mur derrière le bar. Chacune munie de son doseur. Les glaçons sont en cuisine. C'est pour ça que le whisky est si cher, rigole Faustine. Il faut aller les chercher à pied. On vend aussi de la bière à la pression. Elle est livrée tous les 15 jours. Il y a une trappe devant le comptoir pour descendre à la réserve. Parfois, il faut brancher un nouveau tonneau et réamorcer la pompe. C'est rare que ça tombe sur nous, mais ça peut arriver. Toujours au pire moment, évidemment. L'après-midi, Rosa ne travaille pas. Madame Berger ne leur remplace que les dimanches ou certains jours de forte affluence. Aussi, les serveuses sont seules et préparent elles-mêmes les commandes de boissons et de glaces. Cela ne fait plus peur à Faustine qui sait, depuis qu'elle a travaillé au Schwane, comment siphonner de la chantilly. C'est plus difficile que de dresser les boules dans les coupes. Le plus important, termine Monica, si tu veux toucher ton salaire, c'est de ne jamais oublier le ticket. Compris, dit Faustine qui commence par poser 1,20 franc sur le comptoir pour s'offrir un ramequin qu'elle dévore tout en mettant les autres dans les présentoirs. 8 heures. On ouvre. Les premiers clients arrivent en même temps que Rosa, la responsable du bar. Une Espagnole entre deux âges, émigrée en Suisse à l'avènement de Franco. C'est une personne joviale, au tempérament bouillant et susceptible. Elle n'en a pas moins un cœur d'or. Premier coup de feu, café, thé, ovomaltine, croissant, sandwich, ramequin, tout part très vite. Les travailleurs ont faim. Pour beaucoup, cela fait déjà une demi-journée qu'ils sont sur les chantiers ou sur la route. Faustine fait de son mieux pour répondre à la demande. Voyant qu'elle est nouvelle, certains habitués lui souhaitent la bienvenue. Ils sont très indulgents, se donnant beaucoup de peine pour rendre les choses plus faciles à la jeune femme. Dès qu'elles peuvent souffler, avant de dresser les tables pour le repas de midi, les filles s'offrent un café et une cigarette. Monica divulgue à Faustine certaines ficelles du métier. Comment servir par la droite et desservir par la gauche, sur plat ou sur assiette. Comment mémoriser les commandes. Comment compter vite et bien mentalement. Comment économiser ses pas et ne jamais revenir les mains vides. Elle évoque les histoires qui circulent sur ces serveuses légendaires disparues depuis, qui retenaient sans faillir les demandes de 30 personnes, qui faisaient mentalement des additions à 10 chiffres sans jamais se tromper. Faustine emmagasine tout cela, médusée, en vérifiant qu'elle a bien son bloc-notes. C'est sûr que ce n'est pas à elle que ça arrivera. Monica lui confie aussi qu'elle regrette beaucoup qu'on soit passé au régime du service compris depuis cette année. Elle se faisait bien plus d'argent quand les clients payaient le service à part. Là, Faustine s'en fiche. Elle n'a pas vécu cet âge d'or et en comparaison de son ancienne place, elle est bien mieux lotie maintenant. Vers 11h, elle fait connaissance avec le chef cuistot, le personnage le plus important du restaurant puisque c'est sur la réputation de sa cuisine que tout repose. Faustine, qui avait déjà compris cela, le traite avec le respect obséquieux qui lui est dû. Mais ce chef-là, la soixantaine bien sonnée, n'a plus besoin de prouver grand-chose et ne semble pas trop caractériel. « Ce sera agréable de travailler avec lui, se dit-elle, en enclenchant le chauffe-plat. » Otto Berger descend à midi, épauler son staff, et le ballet commence. Le restaurant se remplit d'un coup. Il s'agit d'être partout à la fois. Pour son baptême du feu, on a confié à Faustine les tables les plus faciles à servir, ainsi que la table d'hôte, celle où se retrouvent les fidèles, qui prennent invariablement l'assiette du jour à 9 francs. Il faut juste se souvenir de facturer les boissons en sus. Faustine pédale un max. Elle cherche les prix, fait répéter ses clients 3 fois, parce que son allemand n'est pas encore tout à fait au point. Oublie de vider les cendriers, se trompe dans les additions, mais elle retombe toujours sur ses pattes avec un sourire, et au final, elle s'en sort assez bien, estime le patron, satisfait de sa recrue. Là aussi, les clients laissent passer beaucoup de choses à la nouvelle. Après lui avoir souhaité la bienvenue, ils lui demandent d'où elle vient, et ils espèrent qu'elle se plaira ici. Ils se souviennent avec émotion de leur premier jour à eux, quand ils avaient 16 ans, ou 18, ou 20. Ils le racontent à la jeune femme comme si c'était hier. 13h30, tout le monde est parti. C'est l'heure pour les filles de se mettre à table. Elles savourent leur plat du jour, accompagné d'un petit verre de vin blanc. Souvent, elles sont interrompues par l'arrivée d'un client. Elles se lèvent chacune leur tour pour servir le nouveau venu. Elles finissent leur repas froid, mais cela fait partie des aléas du métier, n'est-ce pas? L'après-midi se passe calmement. Les pauses cigarettes sont nombreuses. On profite des moments de creux pour compléter les présentoirs à épices, plier les serviettes, changer les bougies, ranger les journaux, etc. Il y a toujours de quoi s'occuper dans un restaurant, on ne s'ennuie jamais. Sonne 16h, il fait beau. Une longue soirée attend Faustine qui termine son service. Elle aime son nouveau métier et se réjouit de revenir demain.